Bonjour à tous, bienvenue dans Demain de Maître, votre émission qui pousse la porte des ateliers d'artisans d'art en Lorraine et en Alsace à écouter une fois par mois, le vendredi à 18h, rediffusé le dimanche à 10h30. Aujourd'hui, je suis dans l'atelier de Gildas François, alias le coq et le crapaud, à Metz, en Lorraine. Jusqu'à 18h30 sur Fadjet, Demain de Maître, animé par Olivia. Bonjour Gildas François, merci de me recevoir ici dans votre atelier à Metz. Bonjour, bienvenue. Donc là on est dans l'atelier qui s'appelle Le Coq et le Crapaud et vous êtes tapissier décorateur. Alors en deux phrases, c'est quoi ? Un tapissier décorateur restaure ou crée des fauteuils. Il confectionne aussi des rideaux. Voilà en gros le métier de tapissier décorateur. Qu'est-ce que vous inspire notamment les fauteuils ? Les fauteuils, pour moi, ils ont une histoire, une mémoire. Et ce qui m'intéresse en partie dans mon métier, c'est de raconter l'histoire de ces fauteuils. Quand on travaille sur un fauteuil, c'est un processus assez long. Il y a une quinzaine d'étapes pour faire l'assise d'un fauteuil, partant du sanglage jusqu'à la pose des clous. Et en fait, la garniture, elle raconte une histoire, quoi. Elle est plus ou moins abîmée, plus ou moins en bon état. On y trouve parfois des choses un peu décalées, un peu farfelues, des coupures de journaux ou des choses comme ça. Justement, les histoires, je pense que ça vous parle, puisque vous n'étiez pas à la base tapissier décorateur. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier ? Alors effectivement, à l'époque, j'étais à Montpellier. Et puis, en marchant dans la rue, en fait, j'ai trouvé un fauteuil en mauvais état, abandonné. Et puis, je l'ai récupéré avec l'idée que j'allais le refaire. Voilà, j'ai un temps mis de côté et puis je me suis effectivement mis à le refaire. Et ça m'a tellement plu que j'ai continué en amateur d'abord, avec les moyens du bord, en participant à un club amateur, en allant voir des professionnels, leur demandant des conseils, en glanant sur Internet des petits trucs ou dans les bouquins. Et puis, jusqu'à vouloir tourner la page de mon ancienne vie professionnelle et me former de manière professionnelle justement. Et donc je suis arrivé en Lorraine pour ça, pour passer mon CAP à Neufchâteau. Donc vous étiez doctorant en psychanalyse, si je ne me trompe pas. Oui, je suis passé du doctorat effectivement au CAP. Et j'ai pas soutenu ma thèse en fait. J'ai fait mon virage avant la fin. Et donc vous voilà arrivé en Lorraine, et donc vous étudiez le métier de tapissier décorateur, où ça alors ? Donc c'était à Neufchâteau, dans le cadre d'une formation adulte en fait, financée par la région Lorraine. Donc une formation axée sur la technique, véritablement, avec des périodes de stage en entreprise. Complétée je crois par une formation au CERFAV ? Alors après le CAP, effectivement, j'ai souhaité faire un petit peu évoluer ma démarche. Donc j'ai candidaté à la formation de concepteur-créateur qui se déroule au CERFAF, qui est à la base le centre européen des arts verriers, de formation aux arts verriers, mais qui pour la formation de concepteur-créateur s'ouvre à d'autres métiers d'art, en fait. Et c'est tout l'intérêt de cette formation, en fait, où donc il s'agit d'orienter son activité vers la création, aussi bien création d'entreprise que création de produits, en fait. C'est une grande chance que c'est une année où on prend le temps de développer des projets de création. Parce qu'une fois qu'on est installé, parfois c'est un peu difficile aussi de libérer du temps pour ça. Donc là, c'est vraiment une année où on apprend à la démarche de création et où on a le temps de mettre en œuvre ces projets véritablement. Voilà. Donc vous voilà après installé à Metz, donc dans votre atelier, le coq et le crapaud. Pourquoi ce nom ? Parce que mon fauteuil fétiche, le premier fauteuil que j'ai fait seul à l'issue de mon CAP, c'est celui-ci qui est derrière vous, qui est un fauteuil crapaud que j'ai recouvert d'un tissu pied de coq. Le pied de coq, c'est le motif, en fait. D'accord. Et puis ça m'a inspiré une fable entre le coq et le crapaud, une fable que j'ai écrite, qu'on peut retrouver sur mon site d'ailleurs. Puis de fil en aiguille, c'est devenu mon identité en fait. Et alors justement, votre activité, vous restaurez et vous créez des fauteuils. Alors si on se tourne un petit peu vers ce fameux fauteuil crapaud. Est-ce que vous pourriez nous le décrire ? Alors, un fauteuil crapaud, c'est un fauteuil assez bas, tout en rondeur. Et il s'appelle crapaud à cause de la bosse, en fait, qu'il y a dans le bas du dos. D'accord. Fait, qui est un calerin, si vous voulez. Donc, qui rappelle le crapaud et sa bosse, quoi. Voilà, donc c'est un fauteuil entièrement recouvert de tissu. Il n'y a pas de bois apparent, excepté les pieds. Quelle couleur ? Noir et blanc avec des passepoils noirs pour bien souligner les lignes. Les passepoils, c'est l'endroit où normalement il y a les coutures, en fait, aux manchettes, sur la bosse également. Mm-hmm. Voilà. Et donc c'est un fauteuil de style Napoléon III. Et à l'origine, ces fauteuils-là avaient des franges, des franges sur tout le tour du bas, quoi. Et donc, aujourd'hui, quand on refait un fauteuil crapaud, souvent on supprime ces franges pour moderniser le fauteuil. Et on parle aussi de la collection de fauteuils feutres, c'est quoi ? Alors les fauteuils feutres font partie des fauteuils de création que j'ai développés justement au CERFAV, ouais. En concepteur-créateur. L'idée en fait c'est toujours sur l'histoire du fauteuil, sur la mémoire, ce qui fait la mémoire d'un fauteuil pour un tapissier, donc c'est sa garniture. Garniture qui traditionnellement est constituée de crins. Le crin c'est de la fibre de soie. Il y a deux sortes de crins différents, de la fibre de noix de coco ou bien de la feuille de palmier broyée. Et également, même à l'origine, du crin de cheval. Hein. Voilà. Mais aujourd'hui, on n'utilise plus que du crin végétal, véritablement. Pour un tapissier, l'histoire d'un fauteuil, c'est sa garniture, faite en crin. Donc l'idée a été de montrer l'intérieur du fauteuil, en fait, de montrer justement ce crin. J'ai remplacé le crin par des lamelles de feutre découpées, des lamelles de feutre colorées, que j'emprisonne sous un filet, et que je travaille de manière traditionnelle avec les mêmes points de piquage qu'un fauteuil en crin, sauf que le fait que ce soit un filet, on continue à voir à l'intérieur en fait. Donc on voit en quelque sorte la garniture du fauteuil. Voilà. Comme si on était à l'intérieur du fauteuil. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc à l'origine, les premiers c'était des fauteuils comme celui qui est en vitrine là, oui. Qui est orange et gris, entièrement fait en lamelles de feutre. Et puis après, j'ai développé l'extension de ces fauteuils, comme le blanc et rose, bleu, blanc et rose qu'on voit. Qui est à côté de nous, oui. Voilà. Mmh. Et qui, lui, a seulement certaines parties qui sont en lamelles de feutre. En l'occurrence, c'est le dos. Voilà, en l'occurrence, c'est le dos, et puis sur un petit coin aussi de la devanture. Voilà. Et donc après, voilà, on choisit l'endroit où on peut positionner cette ouverture à l'intérieur du fauteuil. Et toutes ces créations seront bien sûr à retrouver donc sur la page Facebook Demain de Maître. Vous proposez également des fauteuils à coiffer, c'est-à-dire ? Donc les fauteuils à coiffer, c'est la suite des fauteuils feutres, puisque les fauteuils à coiffer sont également en feutre. Oui. Mais là, c'est un feutre artisanal que me fait une feutrière luxembourgeoise, Karine Mertès. C'est de la laine de mouton. Oui. D'accord. Quel feutre artisanalement ? Elle en fait, certaines avec comme des longs poils, comme une sorte de perruque, par exemple. Là, il y a une pièce en feutre que je vais demander de me faire, vous voyez. Donc, si vous pouviez la décrire aux auditeurs, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble effectivement à une perruque, c'est des longs poils d'une quinzaine de centimètres, des longues mèches, en fait. Oui, des mèches noires, en l'occurrence, c'est blanche. Celle-ci, effectivement, des mèches noires et blanches. Donc, cette matière, en fait, j'en habille des fauteuils. Que j'emmène ensuite chez mon coiffeur à Metz, au salon Rétrospective. C'est très drôle, le fauteuil aussi à son coiffeur. Voilà, c'est ça, tout à fait. Il y a Pauline qui est derrière vous, qui est donc toute blanche. On peut aller voir Pauline. Hein. Donc Pauline, c'est un fauteuil hein, pour les auditeurs. Voilà. Alors Pauline ressemble à quoi ? L'idée de Pauline, en fait, c'est un petit peu une Marie-Antoinette de Sofia Coppola, quoi. Un petit peu à la fois classique, à la fois punk rock. Un peu déjanté. Voilà. Donc là, le feutre a été coiffé, a été crêpé en mm-hmm. fait, puis il a quelques mèches, quelques pointes sur le sommet pour rappeler le côté un petit peu punk. Avec un peu de gel, j'imagine. Avec de la laque. Avec de la laque. Tout à fait. Et donc l'assise, comment on pourrait la décrire ? C'est du feutre aussi, j'ai l'impression ? Alors c'est du feutre toujours artisanal, c'est la même feutrière qui me le fait, sauf que là c'est un feutre sans long poil. plus un feutre qu'on a l'habitude de voir. Et Pauline est accompagnée de Achille, qui n'est pas à l'atelier. Achille ressemble à quoi ? On peut le voir en photo. Ah là, oui, en fait. Alors on va voilà. Se déplacer dans l'atelier. Effectivement, il y a une photo quand on rentre donc, dans l'atelier, dans votre atelier, il y a une photo sur votre droite. Et là, on voit donc Achille accompagné de Pauline. Donc Achille, lui, il a plus une coiffure d'époque, en fait, avec des anglaises. Quand on le voit de face, il a une belle moustache également. Donc des cheveux plus ondulés, plus longs et plus ondulés que Pauline. C'est bien, les stéréotypes sont inversés. C'est ça. Et je crois que vous avez montré justement ces fauteuils à coiffer lors d'un défilé à Metz. Racontez-nous. Oui, alors effectivement, à l'occasion des JEMA, les Journées Européennes des Métiers d'Art, qui ont eu lieu au mois d'avril dernier, j'ai proposé à la Corporation des Tapissiers et Décorateurs de Moselle, dont je suis secrétaire également, d'organiser un défilé de fauteuils. C'était une idée qui me trottait dans la tête depuis 2 ans. Déjà, après avoir assisté à un défilé de mode d'un ami créateur, Renoué Valiotis. Quand j'ai assisté à ce défilé, je me suis dit, bah tiens, pourquoi je ne ferais pas défiler des fauteuils également ? Ah oui, c'est vrai. Voilà. Puisque les fauteuils ont une histoire, une mémoire, ce sont des personnages, ils sont vivants, et donc ils peuvent défiler. Avec l'aide de la corporation et puis de mes collègues tapissiers, on a été 11 à participer à ce défilé de fauteuils. Chacun proposait soit des créations, puisqu'on est quelques-uns à faire de la création en Lorraine, soit des fauteuils de restauration, puisque le métier, c'est aussi la restauration. Et donc le principe, en fait, c'était d'organiser ça à la manière d'un spectacle, véritablement. Emmanuelle Cuny, qui est tapissière à Saint-Dié-des-Vosges, est une ancienne danseuse. Elle s'est chargée de faire la chorégraphie du défilé, et l'idée, c'était donc de faire mouvoir ces fauteuils par des danseuses, et par des déménageurs aussi. Voilà. Donc il y avait 5 danseuses et 2 déménageurs qui organisaient une sorte de ballet ou de chorégraphie avec ces fauteuils en les déplaçant. On a eu 1400 personnes sur le week-end qui se sont déplacées. Donc c'était vraiment... Qui ont pu découvrir votre métier. Voilà, tout à fait. Et donc vraiment ça a été un beau moment de collaboration avec les autres tapissiers. Voilà, on a fait vraiment un beau travail. Et un joli moment, je crois, qui d'ailleurs a été couronné par un prix. Sur proposition de Christophe Delavenne. Qui est donc le chef de la mission Lorraine des métiers d'art. Voilà. En Lorraine. Et correspondant de l'INMA également. Fait. Christophe a proposé ma candidature pour le prix de l'artisan d'art proactif 2016, justement, qui récompense l'artisan qui a œuvré. Voilà, de manière particulièrement originale, on va dire, occasion des JEMA. Pour faire connaître le métier, effectivement, puisque c'était l'objectif du défilé de fauteuils, faire connaître le métier de tapissier au plus grand public. Aussi, je tiens à associer vraiment tous les autres tapissiers qui ont participé au défilé, parce que vraiment, sans eux, rien n'aurait été possible non plus. Quoi. Alors, Gildas François, qu'est-ce qui vous rend heureux au quotidien dans votre métier ? Alors, ce qui est vraiment très plaisant dans le métier de tapissier, c'est que il n'y a pas vraiment véritablement de routine, quoi. On travaille toujours sur des pièces différentes, avec des tissus différents, sur des créations différentes. Voilà. Ce qui me plaît particulièrement, moi, c'est le côté création. Voilà. Les fauteuils feutres, les fauteuils à coiffer, ou bien la création sur mesure aussi. Parce qu'il y a une partie de l'activité qui vient souvent par les décorateurs d'ailleurs, avec qui je travaille, particulièrement Angélique Dosda, qui me demande de créer pour ses clients des canapés ou des fauteuils sur mesure. Donc ça, c'est une partie que vous appréciez particulièrement. Ça, c'est particulièrement plaisant, effectivement. Parce que ça change du quotidien un petit peu. Ça permet de laisser libre cours, justement, à sa créativité. Et puis de faire plaisir à des gens voilà, qui ont des envies de pièces uniques et d'originalité. Alors justement, quand on parle de la création d'un fauteuil, vous allez nous montrer peut-être à l'atelier, dans la partie confection, comment est-ce que ça se passe, la création d'un fauteuil. On y va ? Oui, si vous voulez. Donc là, en fait, on descend au sous-sol, parce que l'atelier est sur 2 niveaux. Oui. Donc là, c'est la partie, on va dire, accueil du public. Voilà, au rez-de-chaussée, effectivement, où il y a tous les échantillons de tissus. Donc il y a tout un mur où j'ai fait ça à la manière d'une bibliothèque, un petit peu bibliothèque moderne, où il y a les grandes pentes de tissus ou des boucles de tissus, donc de différents éditeurs avec lesquels je travaille. Voilà. Donc effectivement, le rez-de-chaussée est dédié au tissu, à la réception des clients et puis au travail du tissu. Donc il y a aussi par exemple la machine à coudre. Oui. Et au sous-sol, là où je fais le travail un peu plus salissant, un peu plus bruyant. Voilà. On y va ? Oui. C'est parti ? Donc là, par exemple, je suis sur un fauteuil de style Louis-Philippe, qui est laqué en noir. Et donc là, j'en suis à l'étape du point de piquage. Donc avant cette étape de point de piquage, il y a tout un tas d'étapes. Donc le sanglage du fauteuil, la pose et la couture des ressorts, le guindage des ressorts. Là, il y a toute la mise en crin, en traditionnel. Hein. Moi, j'utilise la fibre de noix de coco. Mm-hmm. Puis une toile forte, qui est une sorte de toile de jute qui est posée sur ce crin, voilà, qui est très volumineux à la base. Hein. Il y a vraiment 40-50 cm de crin, puisqu'il est aéré. Et donc, il va falloir tasser ce crin. Oui. Donc, il y a toute une série de points de piquage qui sont des sortes de points de couture. Et donc, avec des aiguilles, de grandes aiguilles, soit des grandes aiguilles droites à double pointe, soit avec des aiguilles courbes, on fait ces points de piquage. Donc on choisit les aiguilles en fonction du point qu'on a à faire. Le premier point, c'est un point de fond, donc qui est un point d'une largeur de 7-8 cm, en fait, avec cette ficelle qui est au centre du fauteuil et qui fait tout le tour du fauteuil, qui a donc pour fonction de tasser ce crin. Et après ce point-là, il y a le point échelle et le point droit et le point de bourrelet, qui sont d'autres points de couture qui se font avec donc des aiguilles courbes de plus ou moins grande taille. Et donc là, j'en suis sur ce fauteuil au point de bourrelet. Donc il y a pour fonction de ramener le crin vers les extérieurs et de former des contours nets. Je pique la garniture, ça s'appelle le piquage, piquage de la garniture. Donc je commence par le piquer en devanture pour ressortir sur le dessus avec un point arrière en fait. Je reviens vers l'arrière, puis de nouveau sur le dessous de la garniture. C'est un peu compliqué à expliquer, mais voilà. Et je serre. Donc le crin est boudiné en quelque sorte. Mmh. Il est condensé, il est compressé. Voilà, c'est ça. On va encore mettre du crin de cheval cette fois. Qui avant constituait la garniture des fauteuils. Donc là, vous en avez un gros paquet dans du sac plastique. Voilà. Vous en prenez une petite touffe. Voilà, et une poignée. Et ensuite, on répartit une fine couche sur la garniture. On fait des points de lacets sous lesquels on vient positionner ce crin sur toute la surface. Donc c'est une sorte de couche de contact, de confort de contact. Voilà. Et à la suite de quoi, on met encore de la ouate, hein, qui ressemble un peu à du coton. Enfin, c'est de la ouate de coton d'ailleurs, hein, et qui ressemble un peu au coton que vous pouvez avoir chez vous, mais en beaucoup plus gros rouleau. Oui, là, c'est une grosse bobine qu'on a sous les yeux. Donc, on met ça par-dessus le crin, et puis une toile blanche. Donc là, après, on pourra mettre enfin le tissu final. Donc là, c'est un fauteuil fait de manière traditionnelle en crin, un cabriolet Louis-Philippe, comme je disais. Mais il y a aussi des fauteuils sur lesquels il n'y a pas forcément pas ces étapes-là. D'accord. En fait. Donc, par exemple, quand on travaille en mousse, parce que la mousse a quand même aussi l'avantage de faire baisser le cou. Oui. Hein, donc, à la demande du client, je travaille soit en crin, soit en mousse. Donc, par exemple, les fauteuils qu'il y a à l'étage sont faits en mousse. Donc, il y a 6 fauteuils. C'est des fauteuils qui sont destinés au bar d'un hôtel, en fait, de Luxembourg. Donc, des fauteuils assez bas, confortables, à coussins. La garniture, là, elle est faite en mousse. Et puis, je suis en train de confectionner les coussins en ce moment. Vous nous montrez ? Oui. Donc, on remonte. Allez-y, voilà. Je vous en prie. J'ai découpé et surjeté les plateaux du coussin, donc le dessus et le dessous. Et je suis en train de coudre le passepoil sur le plateau du dessus. Donc le passepoil, c'est un peu la lisière, la marque qui va protéger, qui va cacher les coutures. Effectivement, on ne verra pas les coutures. C'est une sorte de boudin fait avec le tissu, enfin avec une ganse, ce qui s'appelle une ganse, qui est une corde, oui. Recouverte du tissu qu'on utilise pour recouvrir le fauteuil. Donc là, je coule passepoil. Il faut cranter le talon du passepoil quand on tourne en fait, pour bien suivre les formes et puis les angles. Ne pas créer de tension dans les tissus, entre les différentes épaisseurs de tissu. Donc je crante le talon du passepoil. C'est-à-dire que vous coupez sans couper totalement le passepoil. Voilà, juste le talon pour que il épouse toutes les formes et pas que ça crée de la tension. Alors une fois que cette étape-là est terminée, on enfile le coussin qui est en mousse, généralement. Il peut être soit en mousse, soit en plume. Ça dépend du type de fauteuil, de ce que veut le client également, du type de finition qu'on veut avoir. Donc on enfile le coussin donc en plume ou en mousse dans l'enveloppe. Voilà. Et on le positionne sur le fauteuil. Donc, en fait, une fois que la garniture, là, pour ces fauteuils-là, en mousse, est faite, oui. On a mis la toile blanche, donc, qui est la première couverture, on met le tissu, qui est à pointer avec des semences, et donc, on agrafe le tissu. Voilà. Donc, traditionnellement, on fait ça normalement avec des semences, donc des petits clous, et puis le ramponneau, qui est un marteau aimanté, en fait. D'accord. Voilà. Mais bon, maintenant on travaille à la graffeuse pour différentes raisons, pour des gains de temps, suivant les fauteuils, ça respecte plus le bois, ça abîme moins le bois, vous voyez, quand le bois est très abîmé. Oui, oui. Voilà. Donc c'est plutôt la graffeuse maintenant. Oui, on utilise souvent la graffeuse. Et donc là, une fois que le tissu est replié, hein, oui. Puis agrafé. Et une fois que ce tissu est replié et agrafé, on mettra les clous décoratifs. Donc là, Gildas, vous venez de finir de coudre et ensuite, qu'est-ce que vous faites ? Voilà, donc là, effectivement, le coussin est fait. Et il reste encore à mettre les clous décoratifs, en fait, sur les fauteuils, qui sont destinés à faire des finitions... définition propre. On met soit des clous qui sont plus ou moins traditionnels. Là, en l'occurrence, sont traditionnels. C'est couleur bronze vieilli, en fait, parce que voilà, c'est ce que voulait le client. Mais on peut avoir des clous beaucoup plus modernes, nickel, brillant, mat, noir également. Selon ce que souhaite le client. Voilà, c'est ça. Donc, hop, on met nos clous. Ces clous-là. Donc là, vous faites, vous accompagnez le mouvement de l'accoudoir. Là, donc, en fait, effectivement, les clous sont à la lisière, enfin à la limite entre le bois et le tissu. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair pour les auditeurs, mais. si, je pense. Et ensuite, il faudra encore que je mette. En dessous le fauteuil, une toile qui s'appelle la toile de Jacona, qui vient finir le fauteuil. et cacher donc les sangles. Gildas François, citez-moi deux créations qui vous ont le plus marqué. Alors, la dernière en date, en fait, qui est un ensemble de deux canapés, oui, que j'ai créé sur mesure pour une cliente, voilà, une cliente de la décoratrice avec laquelle je travaille, Angélique Deza, dont je parlais tout à l'heure, et où en fait, à l'origine, cette cliente était venue pour des rideaux, et je lui avais présenté un tissu, un voilage avec des papillons, qui lui avait beaucoup plu, et donc quand elle m'a demandé de lui faire une proposition de canapé sur mesure, je suis parti sur l'idée du papillon. Il faut imaginer un papillon schématisé, si vous voulez, qu'on décompose, donc on prend la moitié d'une aile. Voilà. Oui. Donc l'idée a été de faire de ces deux parties de l'aile de papillon, deux canapés qui s'embattent. La contrainte, entre guillemets, de départ, c'était de créer quelque chose de modulable. Voilà. Qui s'encastrent presque voilà. Les uns dans les autres. Les deux canapés qui forment l'aile, une fois réunis, peuvent s'assembler ou se désassembler et puis bouger dans la pièce. Et donc les dossiers sont constitués de boules, de mousse colorée. Et donc les dossiers sont déplaçables également sur le canapé en fait. D'accord. Voilà. Donc parfaitement, tout est modulable. Aussi bien les assises que les dossiers, on se positionne dans la position qu'on veut. Selon vous, Gildas François, quelles qualités faut-il pour être tapissier décorateur ? Il faut avant tout être passionné, parce que c'est un métier difficile, aussi bien dans la technique que dans la vie de tous les jours. Hein. Ce n'est pas forcément un métier dont il est facile de vivre bien. Donc, voilà. Donc il faut vraiment être passionné par ce qu'on fait, aimer ce qu'on fait. Il faut avoir le sens du détail, le souci du détail, être un peu même obsessionnel. Je trouve que c'est une bonne qualité pour être tapissier. Oui. Voilà. Un peu de patience. Voilà. Jamais hésiter à recommencer deux fois quelque chose si on n'est pas satisfait. La recherche de la qualité, toujours. Oui, toujours, effectivement. Une autre qualité importante pour être tapissier, c'est à mon sens aussi une certaine ouverture d'esprit, fréquenter les musées, lire, voilà, jamais se laisser embarquer dans la routine, c'est parfois un peu difficile parce qu'il y a, voilà, il y a les contraintes, hein, faut produire, donc... Faut vendre aussi. Faut effectivement prospecter la clientèle, mais il faut toujours essayer à mon sens, de garder l'esprit ouvert et attentif à ce qui se fait dans d'autres domaines, pour justement nourrir sa propre créativité et puis voilà, avancer. Un conseil à donner aux jeunes qui sont en formation pour devenir tapissier décorateur, ce serait quoi ? Ce serait voilà, de persévérer, de s'accrocher, de toujours chercher à s'améliorer, de jamais renoncer à la qualité, voilà, d'être passionné, quoi. S'il n'y a pas l'intérêt, s'il n'y a pas la passion, autant faire autre chose. Où pourra-t-on vous retrouver prochainement ? Prochainement, au mois de décembre, du 2 au 5 décembre, les fauteuils à coiffer seront exposés au Luxembourg, à l'occasion, parce qu'ils ont été sélectionnés donc, pour l'exposition qui s'appelle « Demain de maître ». Justement, ça ne s'invente pas. Tout à fait, qui est une exposition... à l'initiative de la Grande-Duchesse héritière et organisée par la Chambre des métiers de Luxembourg. Également, les 2 et 3 décembre, je serai sur le salon Essence et Matières, organisé par la Chambre des métiers de Moselle, oui. Voilà, à l'Arsenal à Metz. Voilà. Donc en Lorraine, effectivement, où je serai présent là sur le salon. À Luxembourg, il y aura mes fauteuils et moi, je serai à Metz. Un message pour terminer à nos auditeurs qui nous écoutent. Faites appel aux artisans près de chez vous, quel que soit le domaine voilà, dans lequel vous avez un besoin. Faites travailler les gens autour de chez vous. Parfois, ça ne coûte pas plus cher que d'aller dans les grands magasins. Par exemple, bon, dans le domaine de la tapisserie, ça a un coût, hein, quand même. Mais suivant les magasins dans lesquels vous allez, ça n'est pas forcément plus cher. Et ça durera plus longtemps. Et ça durera plus longtemps. Vous aurez surtout un fauteuil unique. Et voilà. Un savoir-faire unique. Voilà, c'est ça. Tout tout à fait. Merci beaucoup en tout cas d'avoir reçu dans votre atelier le coq et le crapaud. Avec plaisir. À très bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Retrouvez les créations de Gildas François alias le coq et le crapaud sur la page Facebook Demain de Maître. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le 25 novembre pour une nouvelle émission chez un artisan d'art. À très bientôt, au revoir.